J'étais posé, pieds nus sur mon toit, avec un petit verre et le soleil en droit. J'dis à mes potes, tranquille y'a personne, mais y'avait un zerg armé jusqu'aux chaussettes moches. Apéro raidé, j'me suis fait piquer les chips, ils ont pété la porte et même mon slip. Pas le temps de viser, j'balance des cailloux, riz c'est l'été mais en version flip. Barbecue volait, la tour elle chantait. Et ma voix tremblait comme un joueur pas prêt. Les viewers criaient, reprends le contrôle. J'ai pris mon lance-patate en caleçon plus drôle. Apéro raidé, je me suis fait piquer les chips. Ils ont pété la porte et même mon slip. Pas le temps de viser, je balance des cailloux. Rue c'est l'été, mais en version flip. Je me suis fait piquer les chips, ils ont pété la porte et même mon slip. Pas le temps de viser, je balance des cailloux. Rue c'est l'été, mais en version flip. Sur un tonneau, lâche un cri de guerre, on fout le chaos. Bière à la main, la base en feu, et une grenade dans le godet du jeu. Apéro raidé, je me suis fait piquer les chips. Ils ont pété la porte et même mon slip. Pas le temps de viser, je balance des cailloux. Rue c'est l'été, mais en version flip. Apéro raidé, je me suis fait piquer les chips. Ils ont pété la porte.